donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG. Bienvenue dans cette émission numéro 17. Oui, les 600 arrivent, on va faire quelque chose de spécial ou pas. Qu'importe, je sais pas. Bienvenue donc dans cette émission spéciale Archive Live, dont une grande partie sera dédiée à la fête de l'humanité 1985, avec en invité Jean-Étienne Lousse, ingénieur du son au studio Stonehouse, qui a travaillé sur ce nouveau live qui sortira le 30 janvier, donc vendredi, en 3 déclinaisons et en édition limitée. Un double CD à 4500 exemplaires, un triple vinyle avec son poster limité à 2000 exemplaires et un picture disque de 500 exemplaires déjà épuisé. Mais avant de plonger dans le nouveau mixage de l'UMA 85, je vous propose de revenir tout au long de l'émission sur les différents concerts de la collection Archive Live édité précédemment, et particulièrement sur les titres inédits jusqu'à leur diffusion dans les magasins et sur les plateformes internet. Commençons par ce concert du 12 octobre 1965 à Toulouse. Ce live s'inscrit dans une période cruciale dans la carrière de Johnny Hallyday, dont les 15 mois de service militaire l'ont tenu éloigné de la scène. Avant que n'arrivent Tommy Brown, Mickey Jones et les Blackbirds, la formation qui l'accompagne est déjà marquée par une forte présence anglo-saxonne, avec notamment Johnny Taylor à la guitare qui accompagna Vince Taylor. Et voici tout de suite, en titres inédits, mais je reviens One More Time encore une fois, et le titre, la reprise de Elvis, ça fait mal. Bonne écoute à toutes et à tous sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Johnny! Je t'attends, mais je fait mal de te voir pleurer. Oh, cette fille-là, ça fait mal de te voir maltraiter. Quand je te dis, elle n'est pas pour toi, mais toi, bon, tu ne me crois pas. Ça fait mal de voir pleurer. Oublie-la, je t'en prie, renonce à l'aimer, carrément, souvent, tu le sais. Quand je te dis, elle n'est pas pour toi, mais toi, bon, tu ne me crois pas. Ça fait mal quand je te vois. Toi tu l'aimes tant, d'un amour si grand que pour elle, oh oui, oui, c'est un jeu. Elle te ment toujours, tu le sais pourtant, tu le sais, rien n'est vrai dans son amour. Ça fait mal de te voir ainsi maltraité, ami, laisse-moi te parler. J'ai beau crier, c'est insensé. Oui, je voulais crier. Non, toi, tu ne me crois pas. Pourtant, oui, un jour tu verras, mon ami, que j'avais raison. Cette fois. Johnny Hallyday à Toulouse, en octobre 1965. Nous arrivons à présent à la partie qui vous intéresse le plus de cette émission Johnny de A à Z Archive Live. On va arriver à la fête de l'humanité. Oui, le 15 septembre 1985, Johnny chante pour la première fois à la fête de l'UMA, où il présente sur scène 7 nouvelles chansons de son nouvel album Rock'n'Roll Attitude. Et ce rendez-vous à la Courneuve marque un tournant et où un nouveau public découvre le phénomène scénique Hallyday qui continue son incroyable odyssée musicale. Et juste après le titre qu'on va écouter, Pendu à mon cou, nous retrouverons en interview Jean-Étienne Lous, l'ingénieur du son du mixage de ce concert, qui a également effectué tous les mixages de tous les concerts que vous allez écouter dans cette soirée.

ne laissez jamais vos garçons. Tu as fait un énorme travail sur la batterie. C'est retravaillé, en gros, c'est chaque demi-seconde, un truc comme ça. C'est, ah bah c'est même pas demi-seconde, c'est chaque coup de caisse claire et chaque coup de grosse caisse, en fait. Je vais pas toucher au ferraille parce que c'est pas assez défini, mais par contre, c'est grosse caisse claire, chaque coup, je le retravaille. En général, je reprends un son... En fait, comme j'arrive à avoir l'impact, je reprends un son de batterie de la même époque. Mm-hmm. Et en plus, comme j'ai la chance d'avoir les multipistes des albums studio, où je peux avoir même des albums live, d'autres de cette époque-là, d'autres live ou d'autres albums studio, j'arrive à récupérer les sons des batteries qui ont été utilisés, en fait. Bien sûr. Mais je les mélange. Tu mélanges. En fait, c'est pas du sans-sang. Le truc, c'est que quand le son il est trop cassé. Ouais. C'est un soutien, on va dire, en quelque sorte, c'est un soutien. C'est un ratio, en fait. Le fait d'injecter, on va dire, 20% du son d'une prise de cette caisse claire ou de cette grosse caisse, tout de suite, ça remet du. Bah, surtout pour le bas, parce qu'en fait, la grosse caisse, quand il n'y a pas le bas, voilà. En sachant que le bas du spectre. C'est assez simple, enfin c'est pas que c'est assez simple, mais il n'y a pas vraiment de timbre quand t'es à 60 Hz, c'est une onde quoi. Mm-hmm. Donc une fois que t'as récupéré cet élément-là, tout de suite t'as de l'énergie, on sent que ça change le timbre, ou on sent que t'as l'impression que ce soit complètement autre chose, tu vois. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, c'est clair, mais c'est clair. j'injecte un peu de son. Ouais. Propre pour avoir ce résultat-là. De toute façon, sinon, je peux pas. Sinon, c'est pas possible, en fait. Ah, mais non. Tout m'a fait craquer. Allez, un petit comparatif. C'est encore ta dernière fille que je veux être née. L'amour, je suis fait les pieds nés. Nouvelle version. L'amour, je suis pas décidé. Voici le son original. Lutte pour garder ta mémoire et pour garder en toi du rock'n'roll attitude. Ne reste pas chez toi, avec tes certitudes. Rock'n'roll attitude. Si l'été est trop lourd, si l'hiver est trop rude. Et puis bon, voilà, c'est pas de la triche parce que c'est des sons, c'est le son de la batterie tel qu'il devrait être, en fait. Tu vois, mm-hmm. C'est-à-dire, s'il y avait eu un micro sur cet élément de batterie, Ça aurait été soin. Bien sûr. Tu vois. Comme tu as pu faire, comme tu as pu faire dans les concerts précédents, en principe, t'as, voilà, tu travailles sur du multipiste, donc il y avait vraiment oui. aussi bien. Alors, le multipiste, c'est différent. Exactement. Quand j'ai déjà le multipiste, ça, je peux faire un peu ce que je veux avec le son de, bah, de la caisse claire, justement. Si je veux rajouter du bas, j'en rajoute du bas, juste avec un égaliseur, quoi, tu vois. Ouais. Alors que là, mon égaliseur, c'est le fait d'injecter un peu de ce son-là pour pouvoir le reconstruire. Mais oui, s'il y avait eu un micro à cet endroit-là, j'aurais eu ce son-là. Donc c'est pour ça que ça reste réaliste et que ça reste, c'est ça quoi. Je pallie à ce qui manque. Voilà. Le son, ça en dénature en rien le résultat final. Non, bah ça peut pas parce que je te dis, je repars. En général, je fais une recherche sur les kits de batterie qui sont utilisés. Ouais. Bah déjà sur le batteur et je sais les kits qu'il utilise. Donc à partir de ça, le seul truc qui change, c'est ça, c'est le mec s'il a une Ludwig ou s'il a une DW. Sa caisse claire, elle va pas dans le même son. Donc moi, je récupère les infos et à partir de ça, je sais, je récupère des sons de cette batterie-là, quoi. Allez, nouvel extrait de ce live Fête de l'Humain 1985 et ce titre, Hey Joe. Vous écoutez RIG, la radio Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Wow. Quelles autres difficultés as-tu rencontrées sur la confection de ce nouveau mix ? As-tu eu d'autres difficultés sur, je sais pas, sur un choix ? Ta plus grosse difficulté, ça a été en gros de rehausser ses basses, de les accentuer, car elles étaient étouffées ou même presque... Bah, elles étaient quasiment pas là. Ouais, c'est ça, pour la basse, il y a d'autres outils qui permettent, en fait, une fois que je sais quelle note c'est, j'arrive à tu sais, il y a des harmoniques inférieures et supérieures sur un son. J'ai réussi à refabriquer l'harmonique inférieure de la basse en ayant la note, quoi, ce qui fait qu'il arrive à refaire un peu de rondeur dans le bas. Ouais. Et donc ça permet de revoir ce qu'il n'y avait pas, parce que pour le coup dans la basse il y avait pas de ce qui est en dessous de, on va dire, 100 Hz, 80 Hz, il y avait pas l'info, quoi. Mais ça se régénère, justement. La basse est un instrument assez simple, entre guillemets. Et donc on peut refaire en reconstituant l'harmonique inférieure. Voilà, c'est un peu long, mais ça se fait. Sinon, pas d'autres particularités dessus après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, le reste après découle. Ouais. Après, évidemment, beaucoup de temps sur la voix. Les logiciels qui arrivent à isoler les voix sont très performants. Donc, je peux retravailler la voix, même si quand il isole la voix, il isole aussi tous les parasites qu'il y a avec. J'ai essayé d'enlever le maximum de parasites qu'il y avait sur la voix. J'ai passé pas mal de temps dessus aussi. Après, le reste, en général, il reste une espèce de, entre guillemets, de bouillie, tu vois, entre les claviers, les guitares, et donc ça, c'est plus ou moins en fonction des titres. Ouais, ça, on va dire, c'est un peu des trucs qui restent, mais pour moi, l'important, c'est de réussir à reconstituer bien basse, batterie, voix. C'est ça. Et d'avoir un équilibre avec les autres instruments, car donc on en avait parlé, on pouvait te dire, tiens, augmente un petit peu ceci, puis en fin de compte, ça déséquilibrait tout. On pouvait tout refaire le travail, en fin de compte. C'est ça, mais c'est surtout que j'ai moins le... Je ne peux pas forcément augmenter, vu qu'il n'y a pas le multipiste, quand j'augmente quelque chose, des fois, ça augmente. Quand j'augmente une guitare, des fois, ça augmente en même temps le clavier, parce qu'il y a la séparation, et pas, c'est pas assez net, quoi. Ouais. Donc, évidemment, les choix sont restreints. C'est vraiment de la gestion du compromis. Et c'est ça qui est intéressant aussi, mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. À partir du moment où on n'a pas de multipiste, il faut faire avec. Et puis le souffle, il y avait beaucoup de souffle, donc j'ai pas tout enlevé, parce que quand t'enlèves tout le souffle, t'enlèves tout l'air, et du coup ça devient c'est la cata aussi. Donc l'idée, c'était pareil, de trouver le compromis entre qui allait bien, quoi. Jean-Étienne Douze qui a réalisé ce nouveau mixage de la Fête de l'Humanité 1985, et aussi en même temps je remercie Universal de m'avoir offert cette exclusivité de vous proposer quelques pistes, quelques extraits de ce concert de l'UMA 85. Il suffira de trouver les mots qui choquent. Un médiateur, payez-vous pour les Tu dois travailler avec ce qu'on te propose, avec des qualités de bandes diverses. En toute honnêteté, ça allait. Enfin, tu vois, j'ai travaillé sur des trucs qui étaient bien pires au niveau des sources. Bon, ouais. c'est pas l'idéal, mais on va dire que je sais qu'il y a quand même une différence entre l'original et le retravaillé, tu vois. Et donc je peux quand même me dire que ça a servi à quelque chose. Ouais. Et le pire, parce que des fois je passe du temps et le résultat est pas flagrant non plus, tu vois. Ouais. Le pire, tu peux me dire en gros c'est quoi, c'est quand t'as travaillé sur le Johnny Circus? Ouais, par exemple, ça c'est une catastrophe. J'ai un souvenir d'un, mais je pourrais plus dire lequel, où effectivement j'ai passé, je sais pas, 20 jours dessus, et puis en fait l'augmentation de, tu vois, j'ai amélioré le truc de 5-10%, hein, donc c'est vraiment c'est un peu frustrant, on va dire. Alors que là ça me semble plus intéressant. Des fois, même si c'est une bande en bonne et due forme, comme c'est des captas radio, des fois le son est complètement, on n'entend rien, quoi. Puis il y a du Larsen partout. Ouais. C'est un micro dans le public, en fait. Mm-hmm. Voilà, il y a eu des cas qui ont été plutôt frustrants. Là, ça va. Là, je suis plutôt content, même si, enfin, tu vois, on entend la différence. Je sens que l'amélioration, on est à plus de 10%, 20% d'amélioration, quoi. Et donc, ça a un sens de le faire. La différence s'entend et c'est bien. Et c'est bien, c'est déjà très bien. Oui. On va dire un concert de plus de Johnny Hallyday, donc livré au public, à ses fans, à ses admirateurs. Tout à fait. Et puis on attend c'était le prochain. Cool. On attend le prochain. Bah ouais, écoute, carrément, impatient de s'y mettre. On va voir. J'espère que ça va pas être trop la cata. À chaque fois, c'est toujours le petit moment d'incertitude où je sais pas à quel point la source va être cassée ou pas. On aura la surprise. Donc, la surprise, voilà. Et on aura l'occasion de t'interviewer à nouveau pour une prochaine édition d'un live de Johnny. Pas de souci. En quelque sorte, tu es attitré au nouveau mixage des lives de Johnny. Bah écoute, ça commence à être le cas, oui, a priori. Et ça en fait quelques-uns, hein. Ça en fait quelques-uns, ouais. Ça commence à faire pas mal, même. Ouais, ça fait quelques années, quelques-uns. C'est hyper agréable. Franchement, les lives de Johnny, je le répète, mais je préfère largement les lives que les versions studio. Donc à chaque fois, c'est comme ils refont les arrangements. À chaque fois, oui. Et je trouve ça cool. C'est vraiment agréable de redécouvrir les morceaux et qu'il y ait nos arrangements. Shake! Très vite, Jean-Étienne. Merci encore. Ouais, à toi. Ça roule. Ouais, pas de soucis. Et puis, à très vite. À très vite, ouais. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard. Ciao. Salut.

que je brûle les écrits. Sans un amour, un homme n'est plus rien. Oh non, sans personne, sans un ami à qui tendre la main. Oh non, et je donne. Je vois dans vos yeux souvent, oui je vous donne, pour mes amis qui m'écoutent en ce moment, je vous donne, fleur d'amour et fleur d'amitié aussi, oh toujours avec ce collier, fleur de joie et fleur de l'espoir aussi, et pour ça que je veux. C'est cueilli, peur d'amour et peur d'amitié aussi. Mais autour du cou, c'est cueilli, peur de paix, nous verrons pousser ainsi des jardins pour embellir notre vie. Fleur d'amour, fleur d'amitié, à fleur d'amour. À fleur d'amour, oui fleur d'amour, oui fleur d'amour. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et là, revenons, nous sommes toujours donc dans les archives live. Un petit récapitulatif et quelques titres inédits qui sont apparus dans ces concerts-là. Ces concerts qui étaient en majorité, même c'est principalement, c'est diffusé à la radio. En 2024, nous avions enfin un concert du Zénith entièrement en vrai live. C'est la date du 2 février 1985 qu'Universal avait édité un concert retransmis par RTL. Cette captation délivrait un Johnny revanchard qui revient gonflé à bloc après 3 semaines de pause forcée. Cette dernière du Zénith est un feu d'artifice où le public retrouve le performeur pour plus de 2h30 de show spectaculaire et festif. Dans ce CD, dans cette parution, on découvre ou on retrouve le titre Gabriel qui était jusqu'à présent absent sur les précédentes éditions. Et pour cette date, dernière date du Zénith, Johnny rajoutait des titres rock'n'roll en rappel, That's Alright Mama et Dégage. Et 2 titres ont également disparu depuis la mi-décembre. C'était L'amour violent et Signe extérieur de richesse. Retrouvons ces 3 titres-là. Gabriel, That's Alright Mama et Dégage. Maintenant, je vais vous parler d'une fille. Une fille que vous connaissez tous très bien. Oh oui, je veux dire. Ton amour étrangle ma vie et l'enfer devient comme un effar qu'invente tes mains. Je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sur tes cris. Celui qui veut m'entraîner. Les ans de chaîne s'emballent le jour. Était ma peine fatale de l'amour. J'ai refilé. Regarde rien. Tu flottes dans mon cœur. C'est une illusion de douceur. Et chambre. J'ai la voix d'une enfant, tu grâces à mon sang. Je veux t'expliquer, cet enfant est le jour, la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. À celui qui veut en faire. Les ans de chaîne sont graves le jour. L'été ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Et j'ai refusé. Tu te dis qu'elle n'est pas son tour à toi. Dégage. te vois toute à tourner en rond. Toi qui te rappelleras de mon nom. Johnny Hallyday à Bercy le 2 février 1985. RTL était là le 30 juillet 1966 pour capturer ce concert de Johnny Hallyday aux arènes de Fréjus. Mickey Jones et Tommy Brown sont les leaders de la nouvelle formation de Johnny, les Blackbirds. Et sur scène ou en studio, ils sont inséparables de Johnny et parcourent avec lui le monde. En 1966, ils sont en Turquie, au Canada, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Europe et notamment dans les pays de l'Est. Et en 2022, Universal Music éditait ce concert dans des arènes surchauffées qui résonne au son de « Pour moi, tu es la seule », « Pour nos joies et pour nos peines » et « Jenny, take a ride ». Je n'ai vu beaucoup de toi de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouve-moi cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. La seule. Yeah, yeah, yeah. Ta façon, oui, te m'enlace, c'est me troubler. Ta façon, oui, te m'embrasse, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Jolie que ses filles dans les journaux. Pour te voir les garçons arrêtent le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi, tu es la seule. Non, pour moi, tu es la seule. T'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer.

Troisième extrait de Fréjus, Jenny Take a Ride. Ha ha ha ha.

de suite là, sans le moindre regret. Tu voles l'amour, extrait du Johnny Circus de 1972, un concert que Jean-Étienne Loose a eu du mal à travailler dessus, notamment, encore pire, le concert de Palavas, Les Flots de 1971, et ainsi que le concert de Nouméa de 1972. Voici Dead or Alive. Thank you. Universel, édité en 2023 dans la collection Les Archives Live, John Hallyday au Palais d'Hiver à Lyon, un enregistrement de Europe 1. C'est probablement le 14 avril 1973 sur cette scène que sera enregistrée la première version de La musique que j'aime, dont Johnny fera un standard grâce à la scène. Également dans la setlist de cette tournée, on retrouvait les titres Rien ne vaut cette fille-là et Tu peux partir si tu le veux. Et face à l'ambiance électrique dans la salle, Johnny et son groupe tiennent le cap et livrent une prestation de haut vol. Parlons à présent du dernier archive live sur Johnny Hallyday, c'est le Fête de l'Humanité 1991. Au tournant des années 90, Johnny passe un nouveau cap. Michel Berger, Jean-Jacques Goldman et Étienne Rodagil lui ont signé une nouvelle série de standards qui renouvellent son public. Sur scène, son tour de chant survole presque 40 ans de carrière. Ses musiciens forment une équipe aguerrie et soudée et surtout l'artiste est au sommet de son métier. Et sur scène, Johnny est chez lui. Qui chante face à un parterre de gens fortunés au Sporting Club de Monte-Carlo ou devant la foule immense de la plaine de la Courneuve, Johnny fédère et embrasse les générations, les tendances, les catégories sociales. Ce concert totalement inédit témoigne de sa popularité qui ne cesse de grandir au fil de cette décennie, qui le verra enchaîner les Bercy avec le Parc des Princes puis le Stade de France. Laurent Marsic, chef du service culture pour RTL, me racontait la découverte de cette bande en 2024. C'est très bête, disait-il. Un jour, un garçon entre en contact avec moi parce qu'il répare des magnétos. Un vieux réalisateur de RTL lui en a donné un avec des bandes. Comme il avait les étiquettes RTL sur ses bandes, il m'a proposé de les récupérer. C'est ce que j'ai fait. Et sur une, il n'y avait aucune indication. Et en écoutant, c'était étrange, Johnny disait « bonjour ». Or, en général, il dit « bonsoir ». Et j'ai cherché sur le net avec la tracklist et ça semblait correspondre au concert de la Fête de l'Humanité. J'ai donc appelé un certain Eric à Bordeaux qui m'a confirmé que c'était bien ça. Ensuite, on a vérifié que ça avait été bien diffusé sur RTL et que c'était bien une captation RTL. Voici deux extraits de ce concert de l'Humanité 91. On va avoir la présentation des musiciens qui jouent chacun leur tour lors de la présentation d'un petit morceau. Je sais pas, ça peut être du Michael Jackson, ça peut être du Van Halen et tout ça. Et après, on retrouvera Johnny Hallyday avec le bon temps du rock'n'roll. Je vais vous présenter mon groupe. À la guitare, Norbert Nono Krief. Et à ma gauche, à votre droite, il s'appelle Hugo Ripoll. Au chant à la guitare basse, Christian Padovan. Au clavier, Thierry Thomas. We'll be right back. Michel Amselen. Section saxophone, sax ténor, Bruno Ribeira. Au sax alto, Serge Roux. Au sax ténor, Philippe Gobinet. Au sax bariton, Pierre Mimran. Sexy ladies. Mademoiselle Debbie Davis. Et mademoiselle Becky Bell. You've got the love, screaming a train. Le chanteur du groupe s'appelle Johnny Hallyday. J'aime la musique quand elle roule les épaules. Le phénix ça s'apprend pas dans les écoles. Pas faire le menteur du rock'n'roll. Oh, Ainsi s'achève cette émission, la 597e Johnny de A à Z sur RIG, avec ce soir donc les archives live et surtout, surtout, l'exclusivité, l'écoute de 5 titres, 5 extraits de ce concert qui sort le 30 janvier 2026, ce vendredi. C'est le concert de la fête de l'humanité 85. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission. Vous la retrouverez bien entendu en podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.